Ndikomanyanga. Merci de rester branché sur les antennes de la radio Isanganiro. Bienvenue à Sous-Journal dont voici d'abord le sommaire. Le Conseil des ministres tenu ce mercredi a autorisé la notification d'adhésion du Burundi au comité intergouvernemental permanent du transport maritime ISCOS. Ce conseil a estimé que l'adhésion à cette organisation permet de protéger l'importateur ou l'exportateur burundais contre les coûts trop élevés par conteneurs importés ou exportés. Une femme chef de la zone Binyuro, en commune Vianda de la province Bururi, est emprisonnée au cachot du commissariat provincial de la police à Bururi depuis ce vendredi. Elle est emprisonnée pour raison d'enquête sur la mort de son beau-frère assassiné il y a plus d'une semaine à son domicile sur la colline Gihinga de la même zone. Les agriculteurs qui exploitent les marais de Mandasi séparant les communes Gatara et Kayanza, province Kayanza, s'inquiète de la baisse du rendement agricole du maïs pour cette saison culturelle. C'est les causes face à cette situation. Il parle du manque de semences du maïs hybride et le retard de fertilisants de type Imbura. Bienvenue à cette édition Albert Ndoua sur la mise en onde. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le Conseil des ministres tenu ce mercredi a autorisé la notification d'adhésion du Burundi au comité intergouvernemental permanent du transport maritime ISCOS. Ce conseil a estimé que l'adhésion à cette organisation permet de protéger l'importateur ou l'exportateur burundais contre les coûts trop élevés par conteneurs importés ou exportés appliqués par les grandes compagnies de transport, d'assurance, de transitaires ou d'autres commissionnaires. Suivez les précisions du secrétaire général de l'État, Jérôme Niyonzima, dans cet extrait du compte rendu de son conseil. L'ISCOS est une organisation maritime créée en 1967 par le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda et la Zambie pour promouvoir, protéger, coordonner les intérêts liés au transport maritime des marchandises importées ou exportées par les pays membres. D'autres États, y compris le Burundi, ont déjà entamé le processus de rejoindre l'ISCOS. L'adhésion à cette organisation permet de protéger l'importateur ou l'exportateur burundais contre les coûts trop élevés par conteneurs importés ou exportés appliqués par les grandes compagnies de transporteurs, d'assurance, de transitaires ou d'autres commissionnaires. Après analyse, le Conseil des ministres a autorisé la notification d'adhésion du Burundi à cette organisation. Jérôme Niyonzima, secrétaire général du gouvernement. 41% des ménages au Burundi sont touchés par l'insécurité alimentaire selon un rapport de 2023. Ceci a été dit ce vendredi lors de la présentation et validation du cadre de programme pays 2024-2027 de l'organisation onusienne qui s'occupe de l'agriculture, la FAO. Pisang Changai Dademanao, représentant résident de la FAO Burundi, fait savoir que les agences onusiennes sont complémentaires, chacune en ce qui le concerne. Suivez-le. Cet indice n'a peut-être pas été réparti en tranches d'âge, en zone, en province ou en région, mais il apparaît quelque chose, c'est que nous travaillons pas seuls, pas en silo. Nous avons des agences avec lesquelles la FAO est spécifiquement sur cet aspect. Nous pouvons considérer la partie de la nutrition maternelle. Et cet aspect-là est en collaboration avec notre agence sœur qui est l'UNICEF. Nous avons le PAM qui intervient, je l'ai mentionné tantôt dans le programme d'urgence, qui intervient sur les aspects distribution alimentaire et la mise à disposition des farines équilibrées. La FAO, quant à elle, intervient dans le sens d'une agriculture sensible à la nutrition. Et l'agriculture sensible à la nutrition, c'est quoi? C'est de pouvoir mettre à disposition des semences de qualité qui vont assurer une productivité élevée, donc en grosse quantité. Mais quand je parle de qualité, ce sont des semences qui sont renforcées avec des variétés renforcée, soit en nutriments, comme les patates douces à chair orange. C'est des variétés de haricots qui sont bien adaptées et certaines variétés de maïs, mais aussi la diversification de la production. Et cette diversification doit pouvoir aller dans le sens des produits animaux, notamment la viande, le lait, les œufs et la volaille. Ce programme sur 4 ans requiert une enveloppe de plus de 58 milliards de dollars pour son exécution, sachant que plus de 18 milliards sont déjà disponibles, a informé Apollinaire Masuguru, chargé des programmes à la FAO Burundi. Les agriculteurs qui exploitent le marais d'Omandassi séparant les communes Gatara et Kayanza en province Kayanza s'inquiètent de la baisse du rendement agricole du maïs pour cette saison culturelle. C'est les causes face à cette situation. Ils parlent du manque de semences du maïs hybride et le retard des fertilisants de type Imbura. Au bureau en charge de l'agriculture, élevage et protection de l'environnement, l'on ne refute pas ces informations données par les agriculteurs exploitant le Mandassi. Adeline Niyonsaba leur demande de bien arroser leurs champs de maïs en attendant la saison des pluies et utiliser les engrais de type Totahaza en distribution dans différentes communes de la province Kayanza. Pour plus de précisions, avec Patrick Saint-Guillaume. Lors de notre passage dans le marais de Mandassi séparant les communes Gatara et Kayanza, nous y avons trouvé des femmes et enfants en train d'arroser leurs champs de maïs, mais nous avons constaté également que ces champs de maïs ne sont pas verdoyants. Quant à les causes de cette situation, les agriculteurs exploitant le marais de Mandassi ont indiqué que pendant le semis de cette saison culturelle, c'est en cours, n'ont pas eu de semences hybrides du maïs et que même l'engrais chimique de type Imbura n'a pas été aussi disponible à temps. Les agriculteurs qui exploitent le marais de Mandassi s'inquiète de la baisse du rendement agricole du maïs comparativement à la production du maïs obtenue pendant la saison culturelle celle de l'année passée. Il demande que pour la saison culturelle prochaine, les semences sélectionnées et les fertilisants soient disponibles à temps. Contactez le bureau provincial à Kayanza en charge de l'agriculture, l'élevage et la protection de l'environnement. Le directeur à ce bureau ne nie pas les informations fournies par les agriculteurs qui exploitent le marais de Mandassi. Toutefois, Adeline Niyonsaba demande à ses agriculteurs de continuer à bien arroser les champs de maïs en attendant la saison des pluies et faire le cerclage en fertilisant les champs de maïs par l'engrais chimique de type Totahaza, qui est selon son directeur du BPAE Kayanza, disponible dans toutes les communes de la province Kayanza. Depuis Kayanza, Patrick Nsengim va pour la radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Cap sur Bururi pour parler justice. Une femme chef de la zone Vignuro, en commune Vianda de la province Bururi, est emprisonnée au cachot du commissariat provincial de la police à Bururi depuis ce vendredi. Les sources administratives et policières à Bururi indiquent qu'elle est emprisonnée pour raison d'enquête sur la mort de son beau-frère assassiné il y a plus d'une semaine à son domicile sur la colline Gihinga de la même zone. Elle rejoint dans ce cachot deux autres personnes dont la femme de la victime est poursuivie également pour le même dossier. Zeno Zambimana pour plus de détails. Son chef de la zone Vignuro en commune Vianda de la province de Bururi est locataire du cachot du commissariat provincial de la police à Bururi depuis l'après-midi de ce vendredi. Spécine Melimana a été conduite à ce cachot quand elle venait d'être interrogée par la police sur la mort de son beau-frère Ndikuma Genge Jean-Pierre, assassiné à son domicile sur la colline Gihinga de la même zone la nuit de mercredi à jeudi de la semaine écoulée, selon les sources administratives et policières à Bururi. Les mêmes sources disent que cette administrative a tenté de fausser les enquêtes sur ce cas d'assassinat dans le but de soutenir sa grande sœur épouse de la victime, qui confirme que son mari serait mort suite à l'épitaxie ou simple saignement du nez. De même que son domestique, poursuivi pour le même dossier, sont également emprisonnés au même cachot du commissariat provincial de la police à Bururi pour raison d'enquête selon les sources policières. Les habitants de la colline Gihinga, voisins de la victime avec qui nous sommes entretenus, demandent des enquêtes approfondies pour que les auteurs de ce crime soient connus et punis conformément à la loi. Depuis Bururi, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. Merci à Zenon Zabimana pour tous ces détails. Dernier dossier de ce journal, les hommes de la commune Rumongue, en général ceux de la zone Kizuka, sont appelés à couper court aux abandons familiaux et au concubinage au profit de l'éducation de leurs enfants. Cet appel est d'Augustin Minani, administrateur communal de Rumongue ce mercredi, après de plaintes publiques que certaines femmes légales sont abandonnées avec leurs enfants au profit des jeunes concubines et d'autres femmes victimes de leur vulnérabilité sont engrossées puis abandonnées à elle seule à s'occuper de leurs enfants, n'est-ce pas Jean-Pierre Misago? L'une des femmes de la zone Kizuka qui sollicite l'intervention de l'administration est une femme légale, abandonnée par son mari avec leurs 8 enfants et devenant ainsi cheftaine de ménage. Cette femme dit que son mari a épousé une autre femme et vend en clandestinité propriété et biens familiaux, ce qui complique la vie dans le ménage abandonné. Elle demande que son mari soit recherché et ramené à la raison. Une autre femme sollicitant l'intervention de l'administration pour l'aider dans l'obtention de la pension alimentaire, a eu 2 enfants avec un homme marié et se retrouve ainsi dans l'incapacité de vivre seule avec leurs 2 enfants, leur père n'intervenant en rien à leur faveur, selon ses dires en sanglots. Augustin Minani, administrateur communal de Rumongue, rappelle que les hommes sont des chefs de ménage et que lorsque le chef est incompétent, c'est tout le ménage qui en paie le prix. Il demande aux hommes mariés d'éviter le concubinage punissable par la loi et cela dans l'optique de consolider leur foyer. Un envoyé du tribunal de grande instance de Rumongue a demandé que la question de la pension alimentaire, déjà dans les mains de notables collinaires, soit inscrite dans les urgences. Jean-Pierre Misago depuis Kizuka, Radio Isanganiro. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouaï pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikomanyanga. Dans quelques instants, vous aurez droit à la revue de presse avec Jean Bosco Ndouimane. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir. Abattoir moderne de Rumongue, une faible disponibilité de bétail préoccupe. Titre Burundi Echo. Ce journal rappelle que ce nouvel abattoir récemment inauguré sur la colline Mutambara dans la zone Gatete de la commune et province de Rumongue est le deuxième abattoir moderne du Burundi et le premier en termes de technique utilisée. Selon le directeur de cet abattoir, cité par son confrère, cet établissement se classe parmi les meilleurs, même en comparaison avec ceux des pays limitrophes du Burundi. En effet, il est capable d'abattre 10 vaches seulement en 45 minutes. Cela permet d'atteindre un total de 100 vaches ou plus en une seule journée, alors que d'autres abattoirs peuvent prendre beaucoup plus de temps pour abattre un seul animal. Amissi Rajabou assure, toujours dans les colonnes de cet hebdomadaire, que cet abattoir est bien équipé et parfaitement adapté à ses besoins. Des machines ainsi que des installations électriques et à gaz sont disponibles pour pallier aux pannes de courant, assurant ainsi une continuité du travail. De plus, un approvisionnement en eau est également garanti. Cependant, cet hebdomadaire socio-économique note que l'approvisionnement en bétail à abattre pose des défis considérables. Les bouchers rencontrent de réelles difficultés pour trouver des vaches, relève Burundi Echo. Ces dernières proviennent souvent des régions éloignées, telles que Matana, Bururi et d'autres localités. Lorsqu'ils se déplacent pour acheter 10 vaches, ils en obtiennent seulement 3 ou 4, rendant la tâche d'autant plus complexe, martèle Burundi Echo. Payer les impôts et taxes est encore perçu comme une corvée chez certains habitants de la commune de Bubanza, écrit l'agence burundaise de presse, citant des sources administratives communales. En effet, explique son confrère, sur environ 2000 maisons du centre urbain de cette commune qui devraient payer l'impôt foncier, seuls 20% payent régulièrement, soit un manque à gagner de plus de 360 millions de francs burundais par an. Certains propriétaires le font sciemment, tandis que d'autres disent ne pas être au courant de l'existence de cet impôt, alors que cet impôt devrait être la principale source des recettes communales, souligne l'ABP, qui note qu'actuellement, la commune tire ses recettes surtout au marché de Bubanza et Muramba et aux autres points de vente des différents petits centres. Revue de la presse. Plus d'une tonne de café sec saisie dans la province de Muramvya, rapporte Net Presse. En effet, plus de 1915 kg de café sec ont été saisis sur les collines de Masango et Murambi, respectivement dans les communes de Muramvya et de Kiganda, après une fouille du parquet de Muramvya en collaboration avec l'administration et la police locale, précise son confrère. Les faits se sont déroulés le 13 août et le procureur de la République dans la province de Muramvya a ordonné l'arrestation de deux hommes reconnus coupables de détention illégale de ce café, poursuit ce quotidien en ligne, qui ajoute qu'il s'est adressé aux populations en leur demandant d'abandonner des cas de fraude et de dénoncer toute personne qui s'adonne à cette pratique. On termine cette revue de presse avec le journal La Voix de l'enseignant qui constate que l'internat pour les élèves du 4e cycle du fondamental préoccupe certains parents au Burundi. Depuis l'instauration de l'école fondamentale dans le système éducatif burundais, le gouvernement du Burundi a suspendu l'accueil à l'internat des élèves de 7e qui commencent le 4e cycle du fondamental, rappelle son confrère. Face à cette situation, des parents nantis n'ont pas tardé à penser à l'avenir de la qualité de l'enseignement de leurs enfants, d'où la création des écoles qui répondraient à leurs préoccupations malgré le coût de l'internat qui est naturellement très élevé, fait remarquer cet hebdomadaire de l'éducation qui donne deux raisons majeures à ce choix. Premièrement, la qualité des enseignements car, d'après eux, les enfants sont enseignés par des professeurs professionnels qui sont qualifiés dans les cours qu'ils enseignent. Une deuxième raison évoquée est celle de l'apprentissage de la vie communautaire. Selon les parents, les enfants apprennent à vivre ensemble et deviennent autonomes dans le travail. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean Bosco Ndouimana. À la prochaine. Revue de la presse.